de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je suis avec Claire. Bonjour, comment ça va? Ah, très bien, bonjour Laura, bonjour tout le monde. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs? Alors, je m'appelle Claire Chauffel, je suis vosgienne, je suis née à Remiremont il y a de ça plusieurs décennies. j'ai plusieurs casquettes, je suis artisan d'art et aujourd'hui je viens aussi parler d'une autre casquette. Je suis consultante en Vastu Shastra, une science traditionnelle indienne qui se développe en Europe pour notre bien-être. Et justement, qu'est-ce que vous faites en tant que consultante en Vastu Shastra? Alors j'ai décidé d'aider les gens à être mieux dans leur vie et en passant par l'harmonisation de leur maison. Donc c'est un soin qu'on va faire au niveau de leur habitat, recaler l'énergie vitale du lieu habité. Ça peut concerner un appartement, une maison, mais aussi un bureau, une usine, voilà, tout ce qui est construit. Donc le but du Vastu Shastra, c'est faire remonter l'énergie vitale, la fréquence d'énergie vitale du lieu, de façon à ce que ça nourrisse l'habitant. Donc c'est un soin thérapeutique, si on veut, un petit peu comme ce qu'on connaît dans les thérapies, je pense au Reiki par exemple. C'est un peu le même principe, sauf qu'on est totalement passif et il n'y a pas de séance à faire. Moi, j'interviens sur l'habitat. Une fois c'est calé, ça bouge plus. Et donc, la montée de la fréquence va nourrir l'habitant et débloquer ce qui doit être débloqué. C'est-à-dire que l'énergie va remettre la vie de l'habitant dans le juste. C'est-à-dire un petit peu une équalisation par rapport à la fréquence de la Terre en ce moment qui est très haute. Donc, l'être humain, c'est comme une antenne, il va s'adapter au milieu, il va s'adapter à la fréquence du lieu qu'on aura augmenté. Donc augmenter sa fréquence, ça veut dire être plus joyeux, avoir plus de positivité, être plus dans le bonheur, dégager ce qui est pesant. Alors oui, ça peut être un gros morceau parce que le Vastu, ça remet dans le juste. Donc tout ce qui est bancal, ça va dégager. Aussi bien les relations intimes, les relations familiales, les relations professionnelles. Voilà, ça va tout recaler, c'est ce que la Terre demande en ce moment, c'est nettoyer tout ce qui est bancal et remettre en ligne droite, se délester des boulets, voilà. C'est un gros projet, hein, vous voyez. Le Vastu, c'est un gros truc et voilà, c'est sympa. Moi, j'aime bien aller aider les autres dans mon parcours de vie. Mes métiers, je pense qu'ils ont tous ce point commun, c'est faire du bien, aider les autres, que ce soit par la mode, que ce soit leur donner confiance par la mode. Et voilà, le Vastu, c'est un petit peu la boucle est bouclée, si vous voulez. J'ai rencontré ça il y a quelques temps et c'était comme une évidence de me former là-dedans. Je l'ai appliqué chez moi, je l'ai appliqué à l'atelier et j'ai trouvé ça hyper puissant, limite magique. Ce Français qui est venu recaler mon habitat et mon atelier, je lui ai demandé s'il faisait de la formation, il m'a dit, ben oui, évidemment, j'ai une école. J'ai une école en France, vers Bordeaux, ça s'appelle l'Institut français du Vastu. Donc c'est loin, il faut être motivé pour y aller. C'est des sessions comme ça, et on apprend des lois, et ça suffit pas à apprendre les règles, il faut aussi aiguiser son ressenti, donc pratiquer des asanas, c'est-à-dire du yoga et de la méditation pour être plus au fait du ressenti des choses qui se passent plus subtilement, on va dire. Moi, je l'ai toujours eu, donc j'ai toujours eu cette sensation, mais je savais pas que ça pouvait être un langage, en fait, que c'était des informations qui m'arrivent comme ça, en plus de la matérialité, si on veut. Mais donc, je savais pas que tout le monde n'était pas comme ça. C'est un petit peu un apprentissage de la vie. Et comme je dis aujourd'hui, le Vastu, c'est une boucle, voilà, qui s'est clôturée. Avec beaucoup de prise de conscience de ce que je suis capable de faire, de ce que je suis capable de ressentir. Et voilà, j'ai envie de le mettre au service des autres. Elle a duré combien de temps, cette formation? Alors, la formation Vastu, il y a 3 modules obligatoires qui durent une semaine à chaque fois. Il faut les espacer parce que c'est quand même des gros morceaux qu'il faut prendre le temps de les digérer, on va dire. Donc ça, c'est les sessions de cours, on va dire. Et après, entre ces sessions de cours, il y a de la pratique à faire. Donc, c'est en binôme avec le prof. On doit s'exercer sur des maisons et des appartements avec lui. Donc, c'est un petit peu comme du compagnonnage. Hein, il nous laisse pas comme ça. Il vous balance les doigts et hop là, vous allez dans la nature. Non, parce que c'est le Vastus, c'est très, très puissant. Donc, on fait pas n'importe quoi. Et chaque maison est unique. Donc, chaque Vastus est unique. Et c'est pas parce qu'on a appris les lois qu'on peut faire un Vastus. Qu'est-ce qu'il faut il faut y aller avec humilité, voilà. Parce que les énergies, c'est très puissant. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut y aller pas par pas, attendre de voir comment ça réagit, le lieu, et voir si on est autorisé à faire la suite, quoi. Voilà, c'est vraiment une approche très intuitive. Les lois, elles existent, elles sont écrites depuis 3000 ans, hein, parce que c'est basé sur les Védas, donc c'est des lois indiennes, c'est des textes qui ont été écrits, je ne sais pas par qui, ni voilà, mais les Védas, c'est des lois inhérentes à la nature, au fonctionnement du vivant. Bon, je les ai pas lus, hein. Mais c'est ce que, voilà, ce que j'en ai survolé, c'est ce que j'ai compris. Est-ce qu'on peut dire que être consultant Svastu, c'est aussi être coach personnel? Ah oui, c'est une méthode de coaching, mais totalement passive, c'est-à-dire on vous demande pas de parler de vous, de parler de votre intimité. Le Vastu, c'est une lecture de la forme de votre habitat. Donc, ça peut être juste un appart, donc ça sera la forme de l'appart. Si c'est une maison, elle est posée sur un terrain, donc on va regarder la forme de la maison et la forme du terrain. Et cette géométrie, elle a un impact sur l'énergie du lieu et donc indirectement sur ses habitants. Donc évidemment, quand on lit un lieu comme ça à distance, on a des infos sur les habitants indirectement, mais sans qu'ils parlent d'eux. On a aussi des infos, évidemment, quand on rentre dans la maison, comment sont faites les pièces, la couleur que vous avez choisie, les matériaux que vous avez mis en avant, enfin l'ambiance générale. Ça donne toujours des infos sur les personnes. Et pour faire simple, la forme de la maison, elle a ce qu'ils appellent Purusha. C'est comme si on calait un bonhomme allongé dans cette géométrie de maison. Donc il y a une tête, des épaules, des genoux, un nombril, tout ça. Et tous ces points sont des points chakras qui correspondent à l'énergie du chakra. C'est-à-dire le point nombril, ben c'est l'énergie de votre nombril. Le point tête, ça va être votre tête. Je sais que ça paraît complètement fou, hein, pour la majorité des gens, mais voilà, si vous vous intéressez au yoga, aux énergies, au magnétisme, vous pouvez trouver tout ça dans d'autres bouquins que de bouquins sur le Vastu Shastra. Les points chakra, admettons que ce soit le nombril, s'il est mal placé, genre il tombe sur le conduit de la cheminée, ben il va être déficient, énergétiquement déficient. Donc chez vous, dans votre corps, votre nombril sera déficient. Donc ça se manifeste comment? Bah, le nombril, c'est le lien. Ça peut être le lien aux autres, le lien familial. J'ai pas choisi le chakra le plus simple à expliquer. J'aurais dû prendre le cœur. Voilà, le cœur, c'est les relations émotionnelles, les relations aux autres. S'il tombe mal, genre, je sais pas moi, sur votre plaque de cuisson, admettons que votre dessin soit comme ça, bah, vous aurez des difficultés dans ce domaine-là. Et le Vastu, ben, avec le Vastu, on va neutraliser la nuisance qui bloque ce point chakra. Donc ça va aussi libérer votre chakra chez vous. Par résonance, ça va faire monter l'énergie de ce point dans votre habitat. Comme le corps humain, c'est une antenne, un petit peu une éponge aussi, ben il va se caler sur la fréquence du lieu et ce point chez vous va être nourri différemment. Du coup, vous allez changer votre fréquence du cœur. Donc vous allez avoir des modifications dans votre vie. Vous allez avoir peut-être de nouvelles personnes que vous allez croiser, qui vont être plus alignées sur cette fréquence qui a monté. Et à contrario, ben ceux qui sont pas dans cette fréquence, vous allez vous en séparer. Voilà, ça fait le ménage. C'est ce que je vous ai raconté au début, c'est que ça remet dans le juste. Donc les choses qui vont vous arriver vont être alignées avec votre fréquence nouvelle. Et comme le but c'est de monter en fréquence, hein, c'est pas de rester dans les fréquences basses. Parce que les fréquences basses, c'est l'équivalent d'être déprimé, d'être triste, qu'il nous arrive que des galères. voilà, être dans une fréquence haute, c'est avoir le sourire, avoir du dynamisme, avoir de l'envie, la joie. Voilà, une espèce de moteur qui se remet en route. C'est ça l'énergie vitale. Quand on la sent, quand elle vous porte, la vie est belle. Et c'est le but. Le but du Vastu, c'est si on pouvait faire ça dans toutes les maisons, vous imaginez un centre-ville d'une commune où on aurait tout remis en Vastu, mais la commune entière devient haute en fréquence. Du coup, elle va attirer des gens qui sont hautes en fréquence, qui sont hauts en fréquence, donc des gens joyeux. Si on pouvait avoir carrément un maire ou une mairesse, je sais pas comment on dit, qui est OK pour qu'on traite un centre-ville, waouh, quel projet magnifique. Et la Terre, elle en a besoin, et nous, on voit bien qu'on en a besoin aussi. Les êtres humains, on a besoin de se sortir d'une espèce de marasme ambiant, là. Et voilà, donc si les gens veulent commencer à travailler sur ce super projet d'être joyeux, être dans la positivité. Et vous parliez des chakras, c'est quoi les chakras ? Les chakras, c'est des points d'énergie. C'est un petit peu comme des vortex. Alors, comment vous expliquer ça ? Un vortex, c'est comme une spirale énergétique. Donc, les points chakras, si vous faites un peu de yoga, a priori, on en a 7 sur le corps et il y en a d'autres qui sont sous nos pieds et au-dessus de la tête. Bon, ceux-là, on va pas trop en parler parce que ça paraît encore plus fou que le reste. Ce sont des points où il y a une concentration d'énergie. Donc le premier chakra sur le corps, c'est au niveau du sexe. Je vais dire le sexe, voilà. Après, il y en a un vers le nombril, un vers le plexus solaire. Le cœur, c'est au niveau des poumons. La gorge, le troisième œil et le chakra coronal tout en haut de la tête. Donc c'est des points qu'il faut avoir en forme, on va dire. Vous n'avez jamais fait de yoga, c'est un petit peu difficile à expliquer. Dans le corps, il y a une énergie qui doit circuler et cette énergie, elle doit passer partout, évidemment par les points chakras. Elle doit monter chaque point chakra. S'il y en a un qui est bloqué, ben l'énergie, elle n'ira pas plus haut. Donc, il faudra déjà débloquer le chakra qui est bloqué pour que l'énergie continue le trajet. Pour débloquer un chakra, il y a de la méditation, il y a des soins énergétiques, il y a un petit peu aussi alléger son mental, voilà, parce que les idées qui tournent en rond, ça porte pas forcément bonheur, ça fait bloquer les énergies, ça met dans une spirale un petit peu négative. Le mental, c'est un système de défense, un système de sécurité, si vous voulez, du corps, qui se met en route quand votre cerveau estime que vous êtes en danger. Donc aujourd'hui, avec les infos et tout ça, où il y a tout le temps le mot peur, sécurité qui revient, donc il y a beaucoup de gens qui se mettent H24 en sécurité, et il faut arriver à surmonter ça. Donc le mental, c'est bien, mais à petite dose. Voilà, ça doit se mettre en route quand il y a urgence, pas tout le temps. Dans quel secteur est-ce que vous intervenez ? Est-ce que c'est dans les Vosges ou est-ce que vous allez un peu ailleurs ? Alors, moi, j'ai opté pour aller dans le Grand Est. Donc, Grand Est, c'est tous les départements en France, Grand Est. Mais je vais aussi en Allemagne, Belgique. Voilà, ça se peut que j'aille ailleurs. Hein. De toute façon, les missions Vastu, ça se construit en amont par un devis. Donc, le temps que les gens se décident. Après, on cale une date et hop, j'y vais sur une journée. C'est une construction d'agenda. Donc, tout est calé à l'avance. Donc, je peux aller n'importe où, a priori. Est-ce que vous intervenez chez des particuliers ou aussi chez des entreprises ? Alors, le Vastu, ça peut se faire chez particuliers, chez un commerçant, dans une usine, dans un centre-ville, partout, dans des bureaux. Comme c'est à partir du moment où c'est construit, je peux aussi le faire sur des trucs non construits, c'est-à-dire des plans d'architecte pour optimiser la construction qui va être faite en amont du projet. Ça, c'est assez rare. Moi, jusqu'à présent, j'ai fait que des recalages d'habitats qui étaient déjà construits. Mais ça serait intéressant. Donc, j'ai essayé de contacter plusieurs architectes. La seule personne qui a été ouverte dans le coin, c'est un maître d'œuvre. Il s'appelle Francis Thierry. Il est à Remiremont, rue de la Xavée. J'ai aussi contacté, évidemment, des agences immobilières qui vendent et revendent des biens, informer leurs clients s'ils ont des soucis quand on achète un lieu ancien ou quand on achète un lieu où il y a eu un truc pas drôle, voilà, il y a une empreinte qui reste, une empreinte énergétique de souffrance, et le vastus, ça nettoie l'empreinte des gens d'avant. Alors il y a des gens, plutôt chez les jeunes, même les très jeunes enfants, ils sont très sensibles aujourd'hui aux ressentis énergétiques, ils peuvent faire des cauchemars, ils peuvent dire aux parents « Ah, je vois des trucs la nuit ». Ben oui, ils voient des trucs la nuit que les parents voient pas forcément parce que le mental, il a un peu gâché l'intuition, il a un peu gâché le système inconscient. Et par contre, l'enfant, lui, il est vierge de tout ça encore. Et les entités, donc ça s'appelle les entités, hein, les choses qui restent, qui sont accrochées. Donc les entités peuvent être perçues par les jeunes personnes. On peut les percevoir aussi dans les rêves. Je dirais que c'est le vastu, il est plus approprié à rentrer dans ma vie aujourd'hui que 20 ans en amont, je pense. Pas que ça se serait calé bien dans l'air du temps, dans la perception des gens, puisqu'on voit bien qu'il y a une élévation de conscience, donc de perception des choses, de l'intuition. En général, ça devient beaucoup plus fort. Même quand on se dit cartésien ou cartésienne, je pense qu'il y a des petites choses, ne serait-ce que dans les synchronicités, c'est-à-dire vous pensez à quelqu'un, hop, puis deux jours après, vous le croisez ou vous avez envie de quelque chose comme ça, et hop, ça vient dans votre vie, comme si quelqu'un vous avait entendu. Mais en fait, ça, c'est énergétique. C'est-à-dire votre esprit, avec la conscience, vous avez créé un désir assez fort, et hop, ça se manifeste. Ça, c'est énergétique, et c'est pas juste une coïncidence, c'est une synchronicité. C'est-à-dire qu'on est créateur de notre réalité avec notre conscience, enfin plutôt avec notre inconscient. Les choses qui viennent du cœur, c'est vraiment quand c'est aligné avec nous, quand c'est aligné sur notre chemin avec ce qu'on doit vivre, ben ça se manifeste. Moi, je suis assez cartésienne, mais c'est vrai que des fois, je crois à certaines choses. C'est qu'on a peut-être des guides, je pense, aussi. Déjà, on est notre propre guide, hein, vous voyez avec ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire que notre énergie, elle a un chemin, elle n'est pas ici, maintenant, par hasard. On n'est pas ce qu'on est par hasard non plus. Des fois on s'écoute pas, alors il y a un recalage qui se fait pour qu'on se remette dans la voie qu'on doit prendre ou vers laquelle on est plutôt inscrit. Des fois c'est pas toujours des choix simples, hein, parce que il faut peut-être faire un choix différent de ce que les parents voudraient qu'on soit. Il faut davantage s'écouter. Mais tout ça, ça reste un dialogue, un dialogue intérieur et peut-être aussi un dialogue extérieur avec les gens de la famille qui vous comprennent pas ou à qui vous paraissez très étrange. Moi, je pense que la communication, c'est vraiment quelque chose de très important, que ce soit une communication entre soi et soi ou entre soi et les autres. Moi, j'ai appris à communiquer parce que j'étais plutôt très très rentre-dedans. J'étais pas très forte en douceur. Je m'améliore. Pourquoi j'étais si convaincue de certaines choses? Ben parce qu'en fait, j'ai tellement d'infos. Pour moi, c'est tellement juste que je sais pas toujours faire la part des choses, me rendre compte que les autres ne sont pas dans la même réception d'infos que moi. Il y a un décalage et... je pense que je suis souvent perçue comme quelqu'un très sûr d'elle, on va dire, qui croit en des choses de ouf. Peut-être, oui, c'est peut-être comme ça que vous me voyez. Peut-être, moi, je suis pas tellement très sûre de moi. J'ai juste des infos qui sont alignées avec mon intuition. Du coup, ça me conforte dans des choix, dans des croyances, même si le vastu, c'est pas une croyance. Hein, vous avez vu, c'est basé sur des lois. C'est bien au-delà d'une croyance. C'est factuel. Construire une maison avec des proportions sur un sol X ou Y pour lequel on fait une recherche en géobio, de nuisance, voilà, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y en a pas, et s'il y en a, qu'est-ce qu'on peut faire pour les adoucir ou les neutraliser, voilà, c'est très factuel en fait. Est-ce que vous travaillez seul? Et si oui, est-ce que vous envisagez de travailler en binôme un jour ou pas? Alors, pour l'instant, en grand est, il y a que moi qui suis une élève de Vastu Shastra ou qui ai fait cette formation, je veux dire. J'ai demandé à mon prof s'il y en avait d'autres, il m'a dit non. Donc, pour l'instant, je suis un peu seule. Mais j'aimerais bien qu'il y ait d'autres élèves et d'autres consultants. Est-ce que c'est intéressant de... Enfin, moi, j'aimerais bien travailler avec quelqu'un d'autre, même si c'est aussi un travailleur indépendant, mais faire des missions à deux, c'est toujours intéressant de confronter des stratégies, parce que sur chaque habitat, comme on a fait un devis, on a fait une étude, on a élaboré une stratégie pour recaler l'habitat. Mais des fois, quand on arrive, ben la stratégie, première étape, on sent que ça va pas être aussi simple que prévu.

il est là, il est là, mais il est là. Le bonheur, il est là, il est là. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Claire. J'ai lu sur un site internet que le vastus est à la fois de la géobiologie, du magnétisme, du ressenti et du matériel à déposer pour corriger les déficiences énergétiques. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Oui, ça c'est vrai, c'est tout ça. Ben, en fait, c'est un petit peu le protocole d'intervention qui est décrit là. Le vastu shastra, c'est déjà un diagnostic en amont, donc un diagnostic géobiologique. Qu'est-ce qui est dans le sous-sol, sous la construction ? Comment c'est fait ? Est-ce qu'il y a des nuisances comme des failles, du passage d'eau ? Est-ce qu'il y a des réseaux enterrés, des câblages électriques, par exemple, merci Enedis et EDF ? Et puis, le magnétisme autour, le magnétisme environnemental, c'est les influences des autres constructions autour. Donc, si vous habitez à côté d'un transformateur électrique, là, c'est très compréhensible. C'est pas un truc qui envoie du bonheur. Mais il y a aussi des endroits, des lieux construits qui sont plutôt des lieux de souffrance, comme un commissariat, un hôpital, un cimetière. Vous voyez, tout ça, ça n'émet pas des énergies hautes. Bien sûr, il y a des gens qui habitent à côté d'un cimetière et qui se sentent très bien. Ils sont adaptés au milieu, voilà. J'ai pas dit qu'un cimetière, ça envoyait des ondes de mort, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que ces lieux étaient faiblards en fréquence et que ça pouvait plomber un habitat, avoir une influence sur cet habitat. Après, les habitats, des fois, dans les matériaux de construction, ils font écran par rapport à ces fréquences basses. Naturellement, ils ont été construits avec des matériaux qui compensent. Donc, vous voyez aussi, les matériaux de construction, ça, c'est important. Donc, du coup, je reprends. Géobio, c'est vu. Nuisance environnementale, c'est vu. Donc, ça, c'est une première approche. Et donc, ça, c'est l'extérieur. Ensuite, on va regarder où est la porte d'entrée. Elle est au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Est-ce que vous êtes dans une rue qui est passante ou est-ce que vous habitez une impasse ? Est-ce que votre maison, elle a une forme géométrique simple, un carré, un rond, un rectangle ? Ou est-ce qu'elle est hyper design avec plein d'extensions dans tous les sens ? Voilà. Ça, ça a un impact. À l'intérieur, est-ce que l'énergie, elle rentre par une seule porte, elle ressort par une seule porte, ou est-ce que vous avez fait des portes partout ? Ça, ça a aussi un impact. Est-ce que l'énergie, elle rentre bien dans chaque pièce ? Est-ce qu'elle va bien dans l'étage, s'il y a un étage ? Tout ça, c'est le vastu, c'est un package total, vraiment un truc complet. On soigne, c'est un soin global, quoi. Est-ce que c'est vrai que c'est bien d'orienter, par exemple, un lit vers le sud ? Et pourquoi ? Alors, là, les orientations des endroits où on passe le plus de temps, comme le lit ou son canapé préféré devant la télé, on va plutôt s'accorder sur le lit. Déjà, le lit, ça, c'est un élément qu'on connaît en Europe sous le nom du Feng Shui. Donc, c'est une petite partie du vastu. Sauf qu'en vastu, on détermine la giration du lieu. Donc, le lieu, il peut être giratoire ou anti-giratoire. Et du coup, ça modifie. C'est-à-dire que je peux pas vous dire là tout de suite, votre lit sera mieux avec la tête au nord ou la tête au sud. Ça dépend de la giration. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que mettre sa tête à l'ouest, c'est une expression populaire, je suis à l'ouest. Vous voyez, c'est pas cool. C'est comme une entrée de maison où la porte est à l'ouest. Si on choisit ce genre d'habitat, c'est qu'on a une énergie compliquée déjà. Voilà. Et l'habitat, il va être compliqué. En stabilité, ça va être complexe. Mais heureusement, le vastu, ça peut tout recaler. Ça peut vous aider, quoi. À retrouver de l'ancrage, à retrouver de la sérénité, à retrouver un apaisement. Parce que ça se compense. Donc on va pas murer la porte, comme il dirait en feng shui, voilà, la porte là elle est mal placée, on va la murer, on va faire une autre. En vastu, non, on touche à rien, si vous voulez, visuellement on a touché à rien, on a muré en énergétique. Donc la porte en question, elle est murée, mais énergétiquement, donc on demande à l'énergie de rentrer par un autre côté. Voilà, ça c'est les grandes lignes. Donc on traite le sous-sol, l'analyse du sous-sol, l'analyse environnementale et l'intérieur, comment c'est fait, avec quels matériaux, combien de portes, combien de fenêtres, l'orientation par rapport au soleil, les points chakras, la couleur des pièces, ça peut être aussi un moyen de faire monter la vibration, parce que ça on peut le trouver en feng shui. Si on étudie un petit peu le feng shui tout seul, on peut conscientiser qu'une pièce a sa propre fréquence par rapport à sa localisation dans la maison. Et donc, si on veut rester dans cette fréquence et harmoniser, c'est-à-dire poser des objets qui correspondent à la fréquence de la pièce, On peut aussi choisir la couleur qui est dans cette fréquence. Tout ça, ça peut être donné avec le feng shui. Est-ce que vous utilisez quelque chose, un objet particulier pour harmoniser un lieu ou pas? Oui, alors l'harmonisation, il se fait avec trois choses, avec du cuivre, du marbre et des mandalas. Alors les mandalas, c'est des dessins basés sur la géométrie sacrée, donc c'est des dessins ronds. On les a sous forme d'autocollants, c'est des stickers qui doivent faire 10 cm de diamètre, c'est des jolis tableaux quoi. Et le marbre, c'est des cubes, et le cuivre, c'est des petits carrés. C'est assez discret, voilà, ça se pose discrètement, c'est très puissant. J'ai fait ressentir la puissance d'une correction vastu chez une commerçante, parce que j'ai dans ce commerce, un petit commerce, il y a une déficience. Et je lui ai dit, écoute, je vais poser un truc, comme elle est beaucoup dans les ressentis. Elle a senti tout de suite qu'il y avait quelque chose qui changeait, c'était plein de fourmillements dans son corps et tout ça, et comme une espèce de vertige. Rien qu'en posant un caillou quelque part, on change l'énergie de la pièce. C'est très très concret, hein. Pour un peu qu'on a accès à l'écoute de son corps, à ce qui se passe à l'intérieur. Au même titre, voilà, ça paraît, pour vous donner un exemple qu'on a tous et toutes déjà croisé dans notre vie, au niveau du ressenti. Par exemple, vous rentrez dans un bureau, au bout du couloir, il y a une personne, et vous sentez tout de suite que même si elle est à, on va dire, 10 mètres, il y a quelque chose qui ne va pas aller avec elle. Ben ça, c'est une confrontation énergétique des auras de chaque personne. C'est pas seulement visuel, parce qu'elle est mal fringuée ou parce que le jour-là, elle a mis la couleur que je déteste. Même si elle n'a pas tout ça, il y a quelque chose qui vous dit instinctivement, oula, ça va être compliqué, il va falloir que soit je fais le dos rond, soit je l'ignore, soit voilà, je vais m'en prendre plein la fiole. Et voilà, ça c'est énergétique. C'est un ressenti assez subtil de l'autre personne qui a aussi une fréquence, donc sa fréquence et la vôtre, elle rentre en conflit et ça vous donne des indications sur ce que vous allez pouvoir faire ou pas. Après, on l'écoute ou on l'écoute pas. Après, on a tous des choix à faire. Est-ce qu'on reste comme on est ou est-ce qu'on devient dominé par l'autre? Donc, vous voyez, l'énergétique, c'est forcément quelque chose qu'on a rencontré dans sa vie. Avec ce petit exemple, je pense que ça parle à beaucoup de gens. Donc, le vastu, c'est ce principe. C'est l'énergétique qui cause. C'est l'énergétique qu'on recale. Du coup, si on recale l'énergie d'un lieu où vous passez beaucoup de temps, parce que votre maison, votre appart, c'est là que vous dormez, donc vous êtes entre 8 et 10 heures, minimum là, votre corps, il se cale sur cette fréquence. C'est comme si vous étiez une éponge, ça va absorber la fréquence là, vous allez sortir à l'extérieur, vous allez émettre cette fréquence jusqu'à votre lieu de travail. Sur votre lieu de travail, vous faites votre journée 8 heures, donc votre corps, il se recale. Si la fréquence du boulot, elle est inférieure à votre fréquence de maison, vous allez baisser en énergie vitale, si vous voulez. Vous allez vous sentir plus fatigué, un petit peu gêné, comme ça. Et hop, vous allez retourner chez vous. Ah, le bonheur, parce que vous avez fait votre maison suivant la fréquence du vastu. Et là, hop, ça vous rebooste. C'est un petit peu vraiment un baume, un lieu qui vous soigne, qui vous cocoonne, un lieu de repos, un lieu de vacances, un lieu de joie, un lieu où on est content d'aller. Et il y a beaucoup d'habitats à l'heure actuelle où la fréquence est basse et on se dit « Oh punaise, je suis pas bien là, faudrait que je déménage ». Ben, il n'y a pas besoin. Vous faites un vastu et vous allez rester là et ça sera mieux qu'avant. Est-ce que vous avez utilisé le vastu pour vous-même aussi? Oui, c'est comme ça que je l'ai découvert. Alors, pour la petite histoire, j'ai découvert en 2017 ou 2018, c'était en juillet. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui travaille le soir dans mon atelier parce que c'est plus calme et j'écoute la radio. Et ce soir-là, il y avait l'émission de Lilou Masset. Peut-être ça parle pas à grand monde, mais c'est une fille qui fait des émissions sur tout ce qui est un petit peu magnétisme, tous les soins possibles et imaginables. Et ce soir-là, elle avait Laurent Montels, un monsieur qui m'a appris le vastu à Bordeaux. Et il décrivait, comme je le fais maintenant, ce qu'est le vastu. Et je me suis dit, ah oui, mais moi, quand je vais en expo, je sors de l'atelier ou je sors de ma maison, il y a comme un petit flottement, je vois bien que l'énergie à l'extérieur, elle est différente de l'énergie du lieu où je travaille et du lieu où j'habite. Il y a comme un petit tangage à chaque fois et j'avais des gros coups de fatigue et je me suis dit, je vais lui demander un diagnostic, voir s'il n'y a pas quelque chose qui va qui va pas. Donc je savais qu'il y avait déjà un passage d'eau à proximité de la maison, parce que j'avais fait passer un géobiologue il y a longtemps. Il m'avait identifié un passage d'eau. Il m'avait dit oui, je l'ai corrigé, mais moi j'avais pas vu trop de différence. Bref. Donc ce monsieur il vient au mois de juillet, très sympa. Il me dit bah voilà, on va faire le vase tout. Soit vous restez avec moi, soit je le fais tout seul. Puis moi, comme je suis curieuse, je suis restée. Et il m'a dit oh, mais vous allez tout sentir. Tout ce qui va se passer, vous allez sentir qu'il y a des modifications. Il dit ah bon, vous êtes sûr? Il me dit oui, c'est sûr, vous allez sentir. Et donc moi j'habite au bout d'une impasse, donc une impasse c'est pas un flux classique. L'énergie elle a bien du mal à aller au bout de l'impasse et moi je suis la dernière maison au bout. Donc il a commencé par booster l'énergie en 30 et j'ai senti un truc comme s'il y avait une accélération de cardiaque chez moi, voilà. Tu vois, déjà premier truc, je l'ai pas trop dit. Je me suis dit, oh, c'est une coïncidence. Et puis au fur et à mesure du déroulé, surtout quand on est attaqué la maison, il m'a dit, ben votre maison elle est statique, c'est-à-dire qu'elle va pas vous booster. Donc comme ce qu'on veut, c'est plutôt que vous êtes d'un naturel très calme, donc on va quand même vous amener un peu plus de punch. Et là, il a posé un cuivre devant la porte d'entrée et il m'a dit restez dans la pièce là, dans le salon. Vous allez sentir ce qui se passe. Et effectivement, là, je me suis dit non mais c'est trop étrange cette chose là. J'ai senti vraiment l'énergie qui arrivait, qui ça modifiait comme une spirale énergétique, comme si la Kundalini elle était super activée. Donc je l'ai laissé faire. Et il m'a dit oh ben vous chez vous il y a le chakra là qui est bloqué, l'autre chakra là c'est hein, ça ne doit pas être super les relations émotionnellement ça doit être compliqué. Je dis oui c'est ça. Il m'a dit oh ben avec le vestou ça va changer hein, mais ça va changer vite hein, d'ici 8-15 jours ça devrait bouger. Ouais bon j'ai écouté, j'ai laissé tout faire, on a discuté à la fin, j'ai payé la note, il est reparti et ça c'était un mercredi, ça je m'en souviens très bien. Et le samedi suivant, franchement j'ai vu plein de changements dans ma vie, même dans la fréquentation de l'atelier, tout s'était accéléré en même, c'était moins de 8 jours hein, et ça a continué sur les 15 premiers jours, mais c'était fulgurant. Du coup je l'ai rappelé, je lui ai dit mais ça prend votre truc là parce que c'est un truc, c'est un outil magique. Il m'a dit oh, ça a rien de magique hein, c'est vraiment ça se base sur les lois de la Terre et les énergies vitales de la planète. Oui, vous pouvez apprendre parce qu'il y a une école et voilà, c'est parti comme ça. Donc j'ai déjà expérimenté, parce que moi je fais toujours comme ça. Pour être convaincue, je le fais déjà sur moi-même, voir quel impact ça a. Et du coup, je me suis formée au fil des années et aujourd'hui, je suis en capacité d'aider du monde. Vous disiez tout à l'heure que vous pouvez intervenir pour optimiser une construction immobilière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Alors, optimiser une construction immobilière, ça veut dire qu'elle n'est pas construite. Je fais référence à un plan d'architecte ou un plan de maître d'œuvre. Donc, on va appliquer la loi du vastou sur le plan. On va regarder la forme générale, la géométrie générale du projet, comment il est orienté par rapport au nord, combien ils ont fait de portes d'entrée, combien ils ont mis de baies vitrées, est-ce qu'il y a des escaliers, est-ce que c'est des escaliers par lesquels l'énergie peut passer, parce que des escaliers sans contre-marche, l'énergie, elle va pas à l'étage. Il faut une contre-marche pour que ça fonctionne. Donc si au niveau design, on veut pas de contre-marche, on compensera après la construction. On va regarder aussi sur le plan si les points chakras sont pas bloqués, tombent mal, quoi. Après, c'est du conseil, soit l'architecte il va faire une modification avec l'accord des clients, soit ils veulent pas et on interviendra après, une fois que ça sera construit. Mais c'est possible de faire un plan propre, on va dire énergétiquement, sans nuisance. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler de votre actualité. On vous laisse avec Beethoven, une chanson connue de tous, interprétée par un certain Balou. Et on se retrouvera juste après sur le 107.

Et sinon, je suis programmée en septembre à Épinal avec l'association Terrae. Je crois que c'est le 20 septembre. Donc voilà, j'essaye de trouver des endroits qui veulent bien me recevoir. Sachant que je fais les conférences gratuitement. Ça peut être aussi, on va dire, chez quelqu'un. Si vous avez 5-6 amis qui veulent écouter ça, ben pourquoi pas. Je viens, voilà. Je fais mon petit speech, ma description. Je vous montre une petite vidéo avec les ressentis des gens après Vastu. Voilà, c'est assez interactif. Il y a souvent beaucoup de questions, que c'est quand même interpellant. Et puis, à la fin d'une conférence, je vous laisse la possibilité de me laisser vos coordonnées pour voir si vous avez envie d'avoir un diagnostic, un devis. Voilà. J'imagine que ça demande pas mal d'énergie. Ça s'organise comment, un tel événement ? Oh ben, moi, je suis rodée. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'organisation en amont. Il faut juste connaître le jour, la date. Je viens avec mon petit ordinateur ou pas. S'il n'y a pas de moyen comme ça, on fait sans. Puis je parle comme... Donc, il y a un fil conducteur, une espèce de protocole. J'ai décrit ce que c'est, comment ça marche... Quels sont les espoirs qu'on peut en attendre, les influences que ça a en général. Je donne un exemple. Je décris une partie d'une maison qui est déficiente et en quoi elle est déficiente et comment elle va être corrigée. Après, une petite vidéo avec un collègue Vastu de Savoie qui fait des vidéos avec une GoPro. Donc lui, il enregistre le ressenti des gens qui veulent bien. Hein, parce que tout le monde n'a pas envie de se retrouver sur un réseau social ou sur une vidéo sur YouTube. Et voilà, c'est assez interactif. Et comme chaque habitat, tout est unique. Hein, donc chaque configuration a une histoire unique. En général, les gens qui viennent, c'est qu'ils sont déjà un petit peu dans cette optique. Ils savent des choses, ils savent que leur lieu est assez plombant. Ils comprennent pas trop pourquoi, mais voilà, tout s'explique avec le Vastu. Surtout, je dirais, par ici, les maisons anciennes, les fermes, dans les secteurs où il y a eu la guerre, il y a des empreintes de ces événements qui sont restées, hein. Soit dans le terrain, soit dans les habitats, ça laisse des traces énergétiques, donc des traces d'énergie basse. Ah, comme ici, c'est une ancienne caserne militaire Seconde Guerre mondiale, ouais. Je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, ici, c'est un lieu militaire, donc c'est pas trop le bonheur, hein, les lieux militaires. Donc, faudrait voir. C'est pas encore trop trop fort, parce que je sens pas trop de choses lourdes, mais peut-être qu'à force dans la journée, oui, ça doit être quand même assez plombant. Et avec qui vous travaillez quand vous faites des conférences ? Je vais voir une directrice de médiathèque, ou un directeur de médiathèque. Des lieux où, comme des tiers-lieux, qui sont des lieux où il y a des conférences diverses et variées. Je l'ai fait aussi pendant la semaine du paysage, dans la communauté de communes où il y a Vanier. Donc c'était l'énergie cette année, le thème. Donc moi, je leur ai proposé le Vastu, puisque le Vastu, c'est l'énergie vitale. Bon, il n'y avait pas grand monde, hein. Il y avait, je crois qu'on était 10. Mais ça suffit, voilà. Même il n'y aurait eu qu'une personne, j'aurais fait quand même la conférence. C'est des nouveaux sujets, voilà. Donc il faut le temps que ça devienne moins ouf dans l'esprit des gens en général. Et c'est quoi votre actualité ? Qu'est-ce qui va se passer prochainement ? Alors je vais avoir deux Vastu à faire dans les Vosges au mois de juillet. Chez des gens, des particuliers. Sinon, les actualités, il y a les conférences Vastu au jardin de l'atelier du cuir de Basse-sur-le-Rue. Dans mon autre activité cuir, je vais aussi faire des soirées event au jardin de l'atelier autre que le Vastu. Donc, il y a une soirée sur le vin, découverte du vin. Et il y aura quelques soirées célibataires. Donc là, c'est plutôt un thème, je rencontre l'autre, mais d'un point de vue énergétique. On va pas dire, bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 50 ans, voilà, je fais ça dans la vie. Pas du tout. C'est vraiment une communication, écouter ce que l'autre, il a à me dire, mais d'un point de vue énergétique. Donc c'est plutôt dans le toucher des mains, qu'est-ce qu'on sent. C'est plutôt une rencontre, donc ça dure une heure, qui a ces petits exercices qui sont assez subtils, on va dire. Et après, bon, c'est une rencontre traditionnelle, on boit un verre, on reste là où ça ne nous a pas trop plu, on s'en va, mais en général, les gens y restent. Et moi, j'aime bien. C'est, C'est une façon de faire aussi profiter ce jardin qui est devenu magique puisqu'il a été modelé à la sauce Vastu. Et les gens qui viennent chez moi, que ce soit les clients en cuir ou les clients des autres activités, ils me disent « mais il y a un truc chez vous, hein, on a envie de rester. Qu'est-ce qu'il y a ici qu'il n'y a pas ailleurs ?» Ben, ce qu'il y a, c'est que la fréquence du lieu, elle est haute. Elle est toute pétillante, toute douceur, voilà. Et quels sont vos futurs projets en tant que consultante en Vastu? Ben, mes futurs projets, c'est sans doute, c'est décrocher des autres endroits vastouisés, on va dire, dans le Grand Est. J'aimerais bien faire ça pour un commerçant, par exemple. J'ai encore pas fait, j'ai des devis qui sont en attente, mais ce n'est pas réalisé. J'en ai fait un en binôme avec mon prof, mais c'est, voilà, c'est pas un chantier qui m'incombe. Ouais, donc ça me plairait bien. Des apparts, travailler aussi avec un architecte, voilà, quelqu'un qui serait ouvert à... Parce que je pense que ça met un plus à ces dossiers, quoi. Qu'un architecte propose le moulinage de son plan au Vastu. Autant commencer l'histoire dès le début. Qu'aujourd'hui, construire, c'est quand même un sacré défi avec toutes les contraintes qu'il y a. Alors, autant faire ça bien et plus que bien. Enfin, c'est mon point de vue, alors voilà. Comment est-ce qu'on peut vous contacter si on veut faire appel à vos services? Alors, j'ai une page Facebook sur le Vastu, s'appelle, donc vous tapez Vastu et vous, tout attaché. Le petit avatar, c'est un disque violet, une géométrie sacrée. Ça, c'est la petite photo pour me repérer. Je vais faire un site internet qui va s'appeler vastougrandest.com. Sinon, vous me trouvez à ma page perso hein, sur Facebook. Je m'appelle Claire Chauffel avec un C. Voilà, je pense que ça fait quand même pas mal de trucs. J'ai une adresse mail sur ProtonMail. Ça s'appelle contact.vge, en majuscule VGE, @proton.me. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Bah, que ça continue comme ça, dans la joie, la bonne humeur, faire plaisir, rendre des gens heureux. Moi, ça me va. Cette émission est maintenant terminée. Claire, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Laura, merci de m'avoir invitée pour ce petit truc un peu ésotérique qui sort de l'ordinaire. Je suis très consciente, j'espère que ça aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment notre compagnie, que vous viendrez nous voir, comme on dit jamais 203. Oui, à bientôt alors. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous, c'était Laura, bye tout le monde.